L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Christophe Boya, bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Mais avec plaisir. Alors, vous êtes vice-président de l'association pour le don de sang bénévole de Nancy et environ. Pour situer, environ, ça va jusqu'où? Alors, environ, ça regroupe la commune de Villers-les-Nancy, surtout. Nous gérons, avec notre équipe de bénévoles de Nancy, les collectes, entre autres, de dons de sang qui ont lieu sur Villers-les-Nancy. Depuis quand existe l'association à Nancy? Depuis longtemps, j'imagine. Alors, l'association commence à être âgée, effectivement. C'est une vieille dame, maintenant. Elle a près de 70 ans, maintenant. Vous êtes vice-président depuis récemment? Alors moi, c'est récent, effectivement. J'ai intégré l'association très fraîchement, il y a 3 ans, et j'ai pris la vice-présidence il y a un peu plus d'un an maintenant. On va revenir un peu sur le fonctionnement du don du sang, mais expliquez-nous un peu le rôle et l'importance des bénévoles dans cette mission qu'est le don de sang. Alors les bénévoles, ils ont un rôle hyper important en association avec l'établissement français du sang. L'idée, c'est de promouvoir le don de sang par différents biais, que ce soit alors maintenant avec les réseaux sociaux, puisque nous sommes présents à la fois sur Facebook et sur Instagram aussi. Nous avons un relais à ce niveau-là. Un des rôles aussi donc sur cette promotion du don de sang, c'est de faire de l'affichage lors des collectes qui ont lieu, que ce soit à Nancy ou donc sur Villers-les-Nancy. Quand il y a des collectes qui sont organisées à proximité de la place Maginot, si vous voyez des petites affiches fleurir jusqu'à la pépinière, c'est l'équipe de bénévoles de l'association de Nancy qui les a posées et qui les dépose après, évidemment, pour ne rien laisser en place. Mmh. On a aussi d'autres activités qui sont certes ralenties depuis un an maintenant, mais bon, lorsqu'il y a des stands à tenir sur la fête de la musique, par exemple, lorsqu'il y a des animations qui sont organisées par la ville, les matinées pour sauver, là on était présent, on tenait un stand d'information et de sensibilisation. Nous participons aussi à de la sensibilisation au niveau des étudiants, des lycéens, des collèges et même des écoles primaires, puisque nous avons le plaisir d'être reçus au mois de février par l'école La Fontaine. Nous avons pu sensibiliser une classe de CM2. D'ailleurs, très prochainement, nous allons au collège Alfred Mézières sensibiliser des classes de 3e. Nous aurons 3 classes de 3e à sensibiliser sur le don de sang. Lorsque nous sommes en classe de CM2, on sait bien que c'est pas ces enfants-là qui vont de suite donner leur sang, puisqu'il faut avoir 18 ans, je le rappelle au passage, bien sûr, pour pouvoir donner son sang. Mais l'idée, c'est de semer une petite graine, je dirais, dans leur esprit, et puis de favoriser des échanges lorsqu'ils rentrent à la maison, qu'ils puissent en parler avec leur maman, leur papa, pour sensibiliser un peu tout ce monde à effectuer des dons de sang. Voilà, une présence donc sur le terrain de sensibilisation. Vous êtes combien de bénévoles sur cette association? Actuellement, nous sommes une grosse quinzaine de bénévoles. Les temps sont un peu durs sur le milieu associatif, c'est pas vous que j'apprends oui. Ça. Puis le contexte nous a pas aidés en termes de... Justement, comment vous avez fonctionné pendant cette période? Parce que les collectes, elles, ne se sont jamais arrêtées. Comment vous êtes adapté, vous, à cette situation? Et encore aujourd'hui? Déjà, on a continué à avoir du lien avec nos bénévoles par le biais d'applications Internet, que ce soit Zoom, etc. Donc on a continué à fonctionner, à se voir comme ça, lorsqu'on ne pouvait pas se voir physiquement. Sur les collectes, c'est clair que nous sommes en comité restreint, je dirais, pour assurer les collations lors des collectes. Nous avons fait en sorte en partenariat avec l'EFS, l'établissement français du sang, on s'est mis d'accord sur un nombre de personnes qui pouvaient assister et aider lors de ces collectes. Donc ça fait partie des choses pour lesquelles nous nous sommes adaptés. Et puis les besoins continuent, les malades ont toujours besoin de sang, donc il y a toujours besoin de collectes. Malgré les couvre-feux, les gens peuvent toujours aller donner leur sang. Au niveau de l'attestation, il y a possibilité de cocher la case 3, assistance aux personnes vulnérables. Donc là-dessus, il y a toujours moyen de pouvoir donner son sang et de faire une bonne action. Donc ne pas hésiter. Pour parler d'un retour à la normale et des projets peut-être aussi pour cette année au niveau de l'association, est-ce qu'il y a des choses à annoncer? Alors oui, bien sûr. J'en ai déjà un petit peu parlé là, puisque oui. Un de nos axes 2021, c'est de sensibiliser au niveau milieu scolaire, une présence au niveau de l'école La Fontaine. 30 mars et 2 avril, nous serons au collège Alfred Mézières, donc ça c'est les dates que j'ai en tête. Et si d'autres collèges, lycées, écoles primaires veulent se manifester auprès de nous, ce sera avec un grand plaisir que nous organiserons des sensibilisations à ce niveau-là. En 2021, nous soutiendrons aussi un homme qui s'appelle Sébastien Pia, qui mène un combat contre la leucémie, donc il a été gravement malade en 2009, on lui donnait 8 jours à vivre. Il est toujours vivant, puisque maintenant, il organise des défis sportifs à but associatif, afin de sensibiliser aux dons de sang et aux dons de moelle osseuse, hein, qui est une autre sorte de don qu'il est possible d'effectuer. Donc nous soutiendrons Sébastien Pia, donc il a un site internet qui s'appelle Mon combat contre la leucémie. Et il sera à Nancy le 1er juin. L'association pour le don de sang bénévole de Nancy l'accueillera normalement sur la place Tannes, hein, si tout se passe comme on le souhaite. Là, je pense que je dévoile rien de trop sensationnel, hein. Effectivement, un accueil place Tannes, c'est quand même ce qui peut se faire de mieux sur Nancy. Il a un peu modifié son parcours, mais je vous laisserai peut-être découvrir tout ça sur son site Mon combat contre la leucémie. Il a eu une greffe d'un donneur allemand. Donc initialement, son projet, c'était de partir de Berlin et de revenir en France à vélo. Donc là, bah, pour les raisons que tout le monde connaît, il ne pourra pas partir d'Allemagne, donc il va faire un petit périple de 2500 km à vélo. Et donc, il y a un passage prévu le 1er juin à Nancy, et nous serons là pour l'accueillir. Voilà, très bien. Pour parler aussi de votre actualité, est-ce que vous avez des besoins de bénévoles particulièrement aujourd'hui au sein de votre association ? Alors bien sûr, hein, toutes les bonnes âmes sont les bienvenues, hein. En plus, ils auront la chance de rencontrer une équipe hyper impliquée, hyper motivée, une super ambiance. Et comme je vous l'ai dit, on a réussi à maintenir un lien là pendant toute cette année un peu compliquée. Et on a besoin de tout le monde, hein, que ce soit de l'étudiant, aux travailleurs, aux retraités. Tout le monde est le bienvenu au sein de l'association. Et j'en profite pour faire un clin d'œil et remercier tous les bénévoles qui œuvrent tout au long de l'année à mes côtés et aux côtés de notre présidente Valérie, que je ne peux pas ne pas citer. Bien sûr, on peut vous contacter via votre page Facebook, donc Association pour le don de sang bénévole de Nancy. Tout à fait, donc via Facebook, via Instagram, on est plutôt réactifs sur ces réseaux sociaux là, donc il n'y a pas de problème pour nous contacter. Merci beaucoup Christophe Boyard. Je vous en prie, merci à vous, hein, Fadjet, et puis peut-être à bientôt, peut-être qu'on se verra le 1er juin à Nancy pour l'arrivée de Sébastien Pierre en vélo. Le rendez-vous est pris, merci. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.